a 100 000 raisons de vivre, 100 000 raisons d'exister, 100 000 façons de survivre, 100 000 façons de résister. On a 100 000 raisons de vivre, 100 000 raisons d'exister, 100 000 façons de survivre, 100 000 façons de résister. Hey yo, je sors des rêves pour construire. Tu peux pas rester sans stress. La vie est une course, la vie n'est pas douce. Elle nous pousse dans la fosse, la peur aux trousses. La peur de tout rater, se foutre en l'air. Nous travaille sans cesse, nous laisse dans le noir, on encaisse. Car malgré des écarts, le savoir on transgresse. À nos enfants, par nos princesses. 100 000 façons de mourir, mais 100 000 raisons d'exister. Ton premier shit, ton premier baisse, ta première cuite, ta première baisse. Les sorties de nuit armées de bombes vandalisent. Les sorties de nuit dans les boîtes scandalisent. Les sorties de nuit dans la rue des valises. Sorties du lit pour la prison on balise. Ma famille, mes amis, ma musique, ma gadget, la compète, mes ennemis, les épreuves de la vie sont mes raisons d'exister, de vivre en homme libre, fier, je reste crédible. On a 100 000 raisons de vivre, 100 000 raisons d'exister, 100 000 façons de survivre, 100 000 façons de résister. On a 100 000 raisons de vivre, 100 000 raisons d'exister, 100 000 façons de survivre, 100 000 façons de résister. Personne ne m'a tendu la perche dans ce monde. Personne n'a attendu que je crache mes douleurs sur les ondes. Et tandis je cherche des façons de survivre, en devenir malade là où les racistes souhaitent me couper les vivres. J'ai posé mes ailes dans site faucon, là où la rhumatie fait du sel et tu en crèveras trop. Quand troquer mon honneur pour du fric, impossible comme essayer de faire isoler mes frères face à des flics. On cherche désespérément à se remplir les poches, alors que notre bonheur se trouve ici, tout près de nos proches. Nos pensées s'évadent, on se perd, c'est plus sur quel but danser. C'est la patience pour nous récompenser. Penser aux frères incarcérés, garder les poings serrés, tanker nos croix serrées, même si les taux viennent se resserrer. Ça même si la tristesse nous donne des rides, garder cette foi à nous en attendant que nos chemins se débrident. 100 000 raisons de vivre, 100 000 raisons d'exister, 100 000 façons de survivre.